Yeah, yeah. Por la vida, por la muerte, Mafia 13, carnal. Tout le monde demande pourquoi parfois le soir je pleure. Pourquoi la rage me prend. Pourquoi parfois j'ai mal au cœur. Pourquoi les trous de bombe remplacent les cases de mon village. Pourquoi les balles afro M16 remplacent les sourires au visage. Pourquoi à l'âge de 13 mon frère attache sa jambe de bois. Les rêves rythmés par la calache. Le soir ma mère entend des voix. Et à chaque fois que rien ne va, rien ne me prend, rien ne tient. Je lève ma tête, je sale les poings et je repense à tous les miens. Là d'où je viens, les mères pleurent, le diable rit. Mes frères meurent quand la palme éclaire la nuit, tout est détruit. Je plante des baguettes en sortant la cendre. Je porte le bandeau blanc, mes anciens, je représente mes frères, me manquent. Je rentre en transe quand je pense aux souffrances de nos mères, aux offenses de la guerre. Je reste amer, mon cœur se serre. Tu me demandes pourquoi parfois le soir je pleure. Pourquoi la rage me prend. Pourquoi parfois j'ai mal au cœur. Tu ne pensais pour ceux qui grandissent dans la misère. Juste une pensée pour ceux. Un jour plus clair, juste une pensée pour eux, une pensée pour mes frères, pour mes frères. Et si on m'avait dit que je quitterais ma terre natale pour un pays d'exil, seulement si j'avais su que je n'avouerais que dans les films. Mais tu sais, la mort n'a cessé de tisser sa toile pistée, conquête de l'or, conquistador, le sang n'a cessé de pisser. Bien des racines et les tombes des rois pillés, trésors éparpillés à la lisière des bonnes indiennes de pique. Chez le docteur, arrache tes yeux d'un enfant pour sa corne. C'est triste d'affronter la mort alors que t'es pas encore né. Trafic bidon, nos frères spiquent dans nos villes bidons. Toujours le même qui tient le guidon. Toujours notre sang impur qui abreuve leur cible. Des pistes venant de l'Est amènent le vice, apporte la peste. Vas-y, dis-moi maintenant ton père, qu'est-ce qu'il en reste. Une pensée pour ceux qui grandissent dans la misère. Juste une pensée pour ceux. La préhistoire est telle qu'aujourd'hui encore nos parents saignent. Tellement de séquelles au visage de carnage, camouflé en sauvetage. Devine qui sont les sauvages, devine qui nous dessine. Nous jettant des arènes, viole nos reines, nous dessine un os dans les narines. Pire qu'au cinéma, ils sont assis là, décident des assassinats, incitent au suicide, disséminent leur sida. Tu veux savoir ce que les exclus voient quand ils ferment les yeux des esclaves. Dans les calais des colons, ils s'esclavent. Je ne céderai pas, moi je garde en tête les cendres de mes ancêtres au pays. Elles demandent du respect car nos pères hier n'en ont pas eu. Nos dirigeants sont manipulés tels une marionnette. Un président, son vice est aussi rare qu'un marionnette. Nos terres n'attirent que misère, les sourires sont rares par ici. Mais j'espère un peu de paix pour ceux qui viennent après.